L'aigle, sur le sommet de la prend son envol. On va m'avouer la Brazzaville verte, capitale contrôle. Congo Django, t'es là, milieu d'ici, qui dit mieux. Quand tout représente scène, noir postérieur, calé en ses lieux. Blindé moral, débile, le fixe, tracé belle piste. Old school, aperçu du savoir que mon tréfonds découle. Marquez les pas, classique man, oui c'est ça même. Bah Congo, maquelle, quelle est, sudiste. Subsiste, on est repointe derrière âme, rebelle. Quelque part en moi, je les écris, je décris, face, authentique. Boss, propose les mots, trop de mots, exode, forcé, exemple, de critique, avenir, bâtisseur, exemple, politique, exemple, dictateur d'Afrique, et leurs sinistres ministres, pense par le biais de leurs pensées, face au malheur du peuple, tous sans exception, dans leur chalet château, mais danse. Avec allégresse, ma main, ma blesse, transgresse, stress, pénètre, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, conquête, bambo, claque, yo, yes. Ma même ma blesse, transgresse, mais laisse, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, real good voice, ma main, yo, yes. Ma même ma blesse, transgresse, stress, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, conquête, yo, bambo, claque, yo, yes. Une belle couche de mélodie, sympathie, solennique source d'inspiration universelle, agissent de commun accord mes esprits. Les revers de la même balai, toute forme de pression, persiste et signe, répète, formé gris-gris. Contrôle, toujours été là, hip-hop, francophone, WP, mon andamba, à la fois casser sourire, bien raide les corps du ring, posté bling-bling. J'appréhende que tu tiennes pas l'instant d'une seconde, le premier round, aux lèvres, microphone, filer la fièvre, lorsque l'élément le plus fou squatte la zone. Pauvre, l'homme reprenne la poudre d'escompète. De loin pense réellement rentrer en confiance. Prophète face à l'homme à l'ins animal. MC a guéri, mais hé, hey, vous faut monter des coups. Mais pour m'atteindre, bande de tête, monter des coups. Avec allégresse, ma main, ma blesse, transgresse, stress, pénètre, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, conquête, bambo, claque, yo, yes. Ma main, ma blesse, transgresse, mais laisse, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, real good voice, ma main, yo, yes. Ma main, ma blesse, transgresse, stress, très très prétentieux, diablesse, flex, puissance rimologique, rapologique, conquête, yo, bambo, claque, yo, yes. Je suis le vent, soleil le vent, voix loin, surtout devant, œil de lynx, vision. Sous cette magnifique chaquette, nous sa mission, déchauffe sa vision, prêt à se battre, défendre ses opinions. Trucidés, ensemblables, originaux, si pour du pognon. Une tasse alentour devient grognon, semblable pédestal, gaffe, attends, petite pédale, si c'est pas du sperme, mais tu plantes ta balle, qui peut sauver son eau, pour qu'on va sauter des fauteuils aux housses vôtres. J'ai toujours été là, moi, tu sais pas.